Quand un questionnement sur les raisons de la création d'une association comme SLU en tant que prisme possible d'une interrogation plus large sur les formes que peut prendre l'engagement des enseignants-chercheurs et des chercheurs dans la contestation des politiques de pouvoir en place, implique d'abord, à mon sens, de se méfier de toute téléologie. Il serait bien hasardeux à cet égard de tenter de comprendre ce qui se passa fin 2007 uniquement à la lumière de ce qui s'est passé au premier semestre 2009. À chaque fois, la conjoncture spécifique rend la quête des causalités plus complexe et doit nous inciter à ne pas nous prêter trop aisément à des reconstitutions de longue durée où l'enchaînement des événements, des pratiques individuelles et des formes de construction collective s'encastrerait merveilleusement comme dans un puzzle parfait où la conscience, toujours éveillée et aiguë, bien entendu, d'intellectuels organiques néo-gramsciens, se mettrait au service d'un mouvement collectif de lutte contre une injustice identifiée parfaitement par les uns et les autres en inventant des nouvelles formes d'engagement ou en intégrant celles qui sont à leur disposition. L'action politique inédite et imprévue, pas celle qui relève de la quotidienneté de la vie politique institutionnelle qui a sa dignité et sa valeur mais qui s'inscrit dans d'autres logiques, se développe toujours au croisement, souvent improbable, d'initiatives individuelles, de réactions collectives et d'une situation touchant les uns et les autres. Une association, un parti, un collectif ne peuvent vraiment voir le jour que si, grâce à une alchimie dont les secrets se trouvent rarement écrits dans les livres de théorie politique, ces actions individuelles, à un moment donné, cessent d'être individuelles, renoncent à être individuelles, et se donnent une forme ponctuelle dans laquelle l'individualité se fonde en quelque chose d'autre, sans jamais disparaître pour autant tout à fait. La chose en question est sans doute plus difficile à inventer quand on a affaire à des universitaires et des chercheurs en SHS, puisque c'est l'essentiel des troupes de SLU, dont les tropismes individuels par goût, par pratique et par coutume sont indéniables. Mais en même temps, si cela marche, même un peu, cela peut donner lieu, même si ce n'est que par moment, de façon parfois paradoxale, voire contradictoire, à la création de ce que j'appellerais un intellectuel collectif. Et c'est un peu ce qui s'est passé, à mon sens, avec la création de SLU. Dès lors, identifié comme tel, celui-ci peut avoir un rôle, il peut nourrir des attentes, il peut même entraîner des déceptions, sans commune mesure, avec sa force militante réelle. C'est un peu ce qui s'est passé, et c'est un peu cette petite histoire que je voudrais reprendre rapidement ici, d'abord en passant par un rappel des effets de la conjoncture dans laquelle cela est advenu, ensuite par une narration plus précise, circonstanciée, dont les choses, pour vous dire un petit peu la façon dont les choses se sont déroulées dans les deux ou trois premiers mois de la naissance de SLU. SLU est né, on le sait, à l'automne 2007. SLU ne serait pas, à mon avis, né, probablement pas, sans un certain mode de gouvernement qui s'est installé en France à partir de mai-juin 2007 et que l'on peut désigner en renvoyant au nom de l'actuel président de la République. Non que SLU se soit défini comme une association anti-sarkoziste, mais je reste frappé par le fait que les universitaires en SHS n'avaient pas eu de vraie réaction face à ce qui avait suscité, par exemple, la création de SLR et dont Alain nous a parlé. Je crois qu'il reste vrai que le mouvement de 2004, même si après, dans un second temps, les SHS y ont eu leur part, était essentiellement un mouvement qui n'avait pas mobilisé les SHS. Et ça, c'est une interrogation qui, pour moi, demeure sur les raisons de la chose. Bon, j'ai quelques hypothèses là-dessus, mais ce n'est pas mon propos d'aujourd'hui. Les choses sont allées un peu, n'exagérons rien, autrement, à partir de 2007. Et s'il en est allé ainsi, c'est peut-être parce que quelque chose de nouveau s'était alors mis en place, quelque chose qui n'était pas présent de la même façon en 2003, en 2004, dans la période dont parlait Alain tout à l'heure. L'instauration de la loi LRU, en effet, fut marquée par quelques caractéristiques propres au sarkozisme, à mon sens, peut-être liées à cette espèce de rapport quasiment mystique à la notion de rupture et à celle de réforme, qui jouait sur les mots, comme je passe là-dessus. Et bon, ces caractéristiques sont l'absence de négociation, voire même l'absence de toute concertation, avec les interlocuteurs susceptibles d'être éventuellement en désaccord avec le gouvernement. Donc on ne parle qu'avec ceux qui sont d'accord, c'est plus simple. Deuxième point, la rapidité excessive de la mise en place de réformes, quitte à passer en force, en jouant notamment sur les périodes de vacances universitaires. Troisième point, la revendication d'un véritable changement de paradigme universitaire, au nom de ce qui est, à mon avis, une vieille conviction d'une fraction de la droite française, se débarrasser des soucis budgétaires sur des corps intermédiaires et priver ces mêmes corps intermédiaires de toute influence dans le pilotage stratégique de ce qui leur importe, à savoir l'enseignement et la recherche. Pour ajouter à cela la conviction que tout adversaire est un allié potentiel si on sait l'acheter. Et puis peut-être aussi l'annonce tonitruante d'une volonté d'échanger un effort budgétaire ponctuel et largement trompe-l'œil contre une soumission à de nouvelles règles du jeu imposées sans concertation ni négociation. Je crois que c'est un peu tout cela qui a suscité une colère spécifique, tu parlais de colère tout à l'heure, une colère spécifique à l'automne 2007. La communauté universitaire, même si je n'aime pas trop cette notion, dont je ne sais pas trop ce qu'elle recouvre, mais qui en tout cas peut faire office de liant au sein de l'université française, n'avait pas vraiment l'habitude d'être malmenée ainsi. La loi Savary, qui valait, qui prévalait à ce moment-là, avait vu le jour, on le sait, où terme d'une longue gestation, et son texte comportait une série de concessions croisées, au risque d'ailleurs de quelques contradictions, permettant en tout cas d'agréger un minimum de consensus autour des institutions. Et puis surtout, les institutions de la loi Savary n'étaient absolument pas perçues par la communauté universitaire comme des institutions particulièrement permissives, comme un régime d'assemblée un peu anarchique, interdisant tout gouvernement de l'université. La présidentialisation, notamment, était déjà au cœur de la loi Savary. Et, par exemple, je me souviens très bien que j'avais un président d'université que je ne supportais pas en 1999-2000, que j'ai essayé par tous les moyens de le faire démissionner, que j'y suis pas arrivé, parce qu'il y avait effectivement ce poids des institutions. À partir du moment où quelqu'un ne voulait pas démissionner, il n'y avait aucun moyen de le faire démissionner. Les universitaires, dans leur immense majorité, ne ressentaient donc pas probablement un besoin inextinguible de concentration du pouvoir entre les mains d'un nombre de plus en plus restreint de personnes. Et je crois que c'est un point important, c'est un point qui explique un petit peu la façon dont ça va se passer. C'est un point aussi pour comprendre la façon dont un vieux mot a tout d'un coup été ressorti de notre boîte à outils et a trouvé une nouvelle vigueur, une nouvelle force, qui est le mot de collégialité. Je crois que c'est partie prenante de cette étrange alchimie qui fait que des personnes se réunissent dans un collectif pour défendre justement la collégialité en tant qu'universitaire, mais aussi en tant qu'individu, mais qui n'aspire pas à prendre la place des syndicats. Je reparlerai aussi de cette question, peut-être. Et qui n'aspire pas à jouer le rôle que peuvent et doivent jouer les syndicats dans le fonctionnement des instances. À cet égard, avant de remonter à rebours sur la constitution de SLU, je voudrais insister sur le fait, par exemple, que nous, on a un article 2 dans les statuts qui marque l'objet de l'association, qui me semble à cet égard extrêmement significatif, qui a été mûrement pesé, qui a été l'objet de discussions animées, contradictoires entre nous, et qu'un des éléments de cet article 2 consiste justement à dire, à la fin, c'est la fin du processus, si je puis dire, qu'il n'est pas question que SLU patronne des listes en tant que telle dans des élections universitaires. Et que notre objet est défini à partir de 4 points que je pense bon de rappeler pour comprendre après, à rebours encore, la naissance de l'association. 1. Le rappel que l'association était née de la lutte contre la loi LRU et contre ses logiques. 2. Le fait qu'il existait à cet égard un devoir d'analyse et de réflexion de notre part, pour faire notre boulot, faire ce qu'on sait faire, mobiliser en gros nos compétences professionnelles, si je puis dire, au service de ce combat. 3. Que des actions, évidemment, devaient être envisagées parallèlement à cette réflexion. Et 4. Et là, on retrouve quelque chose qui était aussi important pour SLR et qui nous est apparu très vite, mais dans une chronologie un peu différente, on va le voir, que le site est un des éléments essentiels de notre action. On retrouve dans l'article 2 de nos statuts ces 4 points que je voulais rappeler. Et j'ai voulu rappeler, avant de revenir à la narration du processus de création de SLU, pour permettre de mesurer justement quelle différence il peut y avoir entre le point de départ, à la mi-novembre, fin novembre 2007, et puis justement la rédaction de ces statuts, début janvier 2008. Donc je prends vraiment une période très courte, mais je crois qu'il y a quelques petites choses significatives là-dedans. Au départ, comme d'ordinaire, excusez-moi, il y a les mots pour nous, c'est une chose dont on s'occupe. En tout cas, la volonté de certains d'entre nous de rétablir l'existence d'une parole qui pourrait être propre aux enseignants-chercheurs et dans laquelle ils se reconnaîtraient. Il s'agissait de souligner qu'il n'allait pas de soi pour les enseignants-chercheurs et les chercheurs de se reconnaître dans la parole de ceux qui étaient censés les représenter dans la mesure où ils avaient été élus par eux, ou du moins, puisque le mode d'élection des présidents d'université n'est pas un suffrage direct, par leurs représentants. C'est un peu cette défiance qui est à l'origine de la tribune qui a été évoquée tout à l'heure en introduction par Michel. Une tribune préparée à la mi-novembre 2007 par une dizaine d'enseignants-chercheurs de Paris 8, en fait écrite par deux ou trois de ces enseignants-chercheurs et signée par une dizaine d'enseignants-chercheurs de Paris 8, et envoyée au Monde, qui choisit de le publier assez vite. Je pense que ce n'est pas totalement inintéressant de le remarquer. Ça n'a pas toujours été le cas pour les textes envoyés au Monde. Et ça a un sens, c'est-à-dire que probablement, même le Monde avait compris que ça disait quelque chose qui n'avait pas été dit jusqu'à présent encore. Il en fallait. Donc, c'est publié assez vite. Et le titre de cette tribune, sur lequel on a cogité beaucoup, avec mon camarade Pierre Bayard, c'était « Les présidents d'université donc, ne parlent pas en notre nom ». Alors, ça n'est pas de soi de choisir ce titre-là, hein, parce que ça revenait à faire, justement, un choix partial, hein, à centrer les choses sur un point, et à insister sur le fait que l'avis de la communauté universitaire ne pouvait être représenté dans un parcours de réforme radicale tel que celui qui était engagé depuis juin 2007 par la seule voix des présidents d'université. En effet, il était patent alors que les quelques tentatives de réaction critique estivale et courageuse, je pense à la pétition Pas à la sauvette par exemple, dont une des initiatrices est parmi nous, n'avaient reçu aucun écho public notoire, hein, et que le débat semblait se concentrer à l'automne entre la parole du ministère, celle des étudiants mobilisés, de façon que j'appellerais avec un euphémisme différencié, contre la loi LRU, et qui, ceci dit, s'étaient mobilisés bien avant leurs enseignants, hein, et celle d'une instance qui prenait de plus en plus de place, la CPU, la conférence des présidents d'université, hein, qu'Alain rappelait tout à l'heure, et que nous connaissions mal, mais que nous avons appris à connaître au fil de cette histoire. De cette CPU, nous ne savions pas grand-chose à ce moment-là, mais nous constations qu'elle semblait très vite être passée du statut de club informel de dirigeants pour échange de bonnes pratiques, selon le lexique à la mode des administrateurs, à celui d'acteur majeur du débat, tout à la fois à l'origine de la réforme, hein, puisqu'une bonne partie de cette réforme avait été conçue dans ces discussions en cercle fermé pendant les années précédentes, destinataire de cette réforme, puisque son application leur était confiée, et principal bénéficiaire pour ce qui était des présidents de cette réforme, hein, puisque la redistribution des cartes au sein des instances universitaires tournait à l'avantage très clair de l'instance présidentielle par rapport aux autres instances disponibles. Le sentiment donc des rédacteurs de cette tribune tendait donc à regretter à la fois une vieille situation, une situation nouvelle. La vieille situation, c'était cette répétition un peu d'une situation classique selon laquelle, comme dans les débats sur le LMD, comme dans les débats sur le CPE, les enseignants-chercheurs étaient à la remorque des mouvements étudiants, hein, sans avoir une parole politique audible qui leur soit propre. Et puis, la situation nouvelle, celle-ci, c'était justement d'insister sur le fait que les présidents d'université avaient une responsabilité particulière et que cela n'allait pas de soi de leur faire porter la voix de la communauté des enseignants-chercheurs et des chercheurs. Le papier publié faisait donc le choix de ne pas s'attarder sur les nombreux risques que faisaient, nombreux autres risques que faisait courir aux universités la nouvelle loi, paupérisation par l'introduction du budget global et de la dévolution de la masse salariale, des engagements financiers de l'État, remise en cause du statut des personnels par l'extension du domaine de la contractualisation, remise en question à terme du cadre des diplômes nationaux, développement d'une concurrence sauvage entre les universités, entre les disciplines. Bon, tout cela a été cité en vrac très rapidement dans le texte, mais ce n'était pas le cœur du texte. Le texte se concentrait, et je reviens là-dessus, donc, sur ce point qui n'était peut-être pas le plus commenté à l'époque et c'est pour ça aussi que nous avions choisi de le mettre en évidence, à savoir le renforcement des prérogatives présidentielles. On prenait un point du mécano et on mettait le doigt dessus parce qu'on considérait qu'effectivement c'était un point capital. Ce choix, donc, je le répète, était consciemment partiel et partial. Il visait une sorte de coup de gueule sur un des aspects qui était considéré comme une des clés des nouvelles logiques promues par la loi, l'aspect qui était aussi le plus proche des acteurs de l'université et de leurs pratiques quotidiennes. Il s'agissait de mettre en évidence un élément d'analyse qui reste, pour moi en tout cas, encore essentiel aujourd'hui, à savoir le caractère hybride d'une loi prétendant instaurer une autonomie des acteurs en renforçant des logiques potentiellement autoritaires à chacun des niveaux de l'enseignement supérieur et de la recherche. Des petits Sarkozy partout, en quelque sorte. La tribune libre se terminait par un appel à la communauté universitaire à se faire entendre. Mais pour les auteurs du texte, dont j'étais, il n'était alors absolument pas question, j'insiste sur ce point, au moment de la rédaction de cette tribune, de prendre l'initiative d'une quelconque organisation de l'accueil de cet appel. Et encore moins au début d'en faire une pétition. Les choses, cependant, allèrent à cet égard beaucoup plus vite qu'on ne l'avait pensé, car l'accueil réservé au texte dépassa ce que nous attendions. Et une partie minoritaire, certes, mais active de la communauté, décida de s'emparer de ce texte pour en faire un point visible de rassemblement. Quelques jours après sa parution, sur la simple base du bouche-à-oreille entre amis et proches, une trentaine de personnes se réunirent pour en parler. À cette occasion, fut prise la décision d'appeler à la signature de cette tribune libre. Alors, SLU n'existait toujours pas. Le nom SLU n'était même pas posé. On disait, voilà, on va appeler à la signature de cette tribune libre, on va en faire un texte qui n'est plus un texte de Paris 8, mais qui est un texte de la communauté. Bref, il s'agissait de transformer ce texte en pétition, en lui ajoutant simplement un sous-titre, quasiment programmatique, ce qui prouve que déjà on se projetait un petit peu quand même, sans le dire, dans une action politique à moins court terme. On rajoutait en dessous du titre « pour une université collégiale », qui n'était pas dans le titre de la tribune libre. L'idée était que si nous réussissions à réunir rapidement quelques milliers de signatures, cette action pouvait prendre un sens différent. Mais personne, à ce stade-là, ne parlait encore de site, ni même de créer SLU, en l'occurrence, et il fut proposé tout simplement à nos amis de SLR de placer sur leur site la dite pétition appel. Et c'est uniquement parce que cela s'avérait impossible que fut prise la décision de créer le site Internet. Ce site Internet qui, à mon sens, est un peu le fleuron de SLU, son instrument le plus efficace et ce qui permet à l'association de maintenir une présence, même dans les périodes de reflux comme celles que nous vivons aujourd'hui. C'est parce que nous créions un site dédié pour cette pétition qu'il fallut lui trouver un nom. Et que fut inventé de façon collective, je ne sais plus qui... moi, je crois que je n'étais même pas présent, parce que c'était à la fin d'une réunion que j'avais dû partir pour m'occuper des gosses, et fut inventé à ce moment-là le nom collectif de « Sauvons l'université », qui pouvait être entendu à la fois, ou tour à tour, comme vous voulez, comme une vraie reconnaissance à l'égard de SLR, hein, comme grand frère, grande sœur, enfin, voilà, comme un signe de proximité aussi avec SLR, mais aussi comme un clin d'œil, ou comme la revendication d'une attention spécifique à l'université et, sans doute, sans le dire, au SHS. Une revendication que certains d'entre nous pouvaient penser, à tort ou à raison, ce n'est pas le débat aujourd'hui, je pense, mais en tout cas, c'était quelque chose qui a compté à ce moment-là, être insuffisamment représenté au sein de SLR. Un titre, donc, où se mêlait donc, comme souvent SLU, une tension polémique et une certaine ironie. Mais un titre qui, à la réflexion, a pu sembler à certains d'entre nous, à bon droit, non dénué d'ailleurs de problèmes de fond. Quelle université voulions-nous sauver? Comment faire comprendre qu'il ne s'agissait évidemment pas pour nous de préserver un statu quo? Comment ne pas rabattre cette réaction sur un simple prurit plus ou moins corporatiste et conservateur? Cela n'allait pas de soi, ça ne va toujours pas de soi. Bon, voilà. Encore à ce moment-là, nous étions pris par l'enthousiasme de la création de quelque chose, mais nous ne nous inscrivions pas dans la durée. Durant les premières semaines au moins, j'insiste sur ce point, nous avancions coup par coup. Chaque initiative devant nous prouver à nous-mêmes que cela valait la peine de continuer. Et à cet égard, je tiens à rappeler, parce que je crois que c'est important, c'est que dès les premières initiatives, on a travaillé en commun avec SLR. avec effectivement des écoutes variées selon les camarades de SLR avec qui on parlait. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, ça fonctionnait mieux avec SLR Paris. Ça fonctionnait très bien avec SLR Paris. La première assemblée commune SLU-SLR n'a pas été une assemblée commune SLU-SLR, mais une assemblée commune SLU-SLR Paris. Et qui nous a donné envie de continuer parce que tout d'un coup, on s'est retrouvés, beaucoup des gens qui sont autour de cette table y étaient, à 400 dans un amphi à Jussieu. Alors qu'on se demandait si on n'allait pas se retrouver à 30. Bon. Donc voilà. Alors je m'aperçois, excusez-moi, là, je suis passé du jeu au nous de façon un peu arbitraire. Je ne sais pas si ce nous est justifié. Je pense qu'à l'intérieur de SLU, il peut y avoir des façons différentes de refaire cette histoire-là. Mais je pense que ce que je dis, nous en avions le sentiment collectivement à cette époque-là assez nettement. Au bout de 2 mois, la fin janvier, nous étions passés du collectif à l'association. Loi de 1901, donc beaucoup plus vite, dans un processus beaucoup plus rapide. Hein. Et je me rappelle de discussions avec Georges de Bréjas qui me disait « Ouh, passez pas trop vite du collectif à l'association, ça va poser des problèmes. » Ce qu'il pensait quand tu disais « Ah bon, nous, on est passé assez vite du collectif à l'association. » Je ne sais pas si c'est un point positif ou pas, mais enfin, ça a donné au moins quelque chose. Et là aussi, tout était lié au site. C'est qu'à partir du moment où on avait un site, à partir du moment où... il fallait que ce site soit inscrit quelque part, l'association était la solution la plus simple techniquement hein, pour recueillir le site. Donc ce que je veux dire, c'est que tout ça s'est fait dans une sorte de bécano qui était très empirique hein, de ce point de vue-là. Bon. Ce sur quoi nous nous battions était clair, mais la façon dont nous faisions, on inventait en marchant un petit peu la façon dont ça allait procéder. À ce moment-là, furent discutés nos statuts, et à ce moment-là, je crois, nous avons perçu assez clairement, en tout cas c'est la reconstruction que j'en fais moi, que nous insistions sur deux points clés, nous devions insister sur deux points clés. D'une part, la place centrale du site, dans la construction des cellules, et d'autre part, le fait que l'association devait essayer d'inventer un rôle original dans les formes de son action et de sa réflexion, indépendamment des syndicats, mais toujours dans une logique unitaire. Ce n'est pas toujours simple à mener, hein, mais on a essayé un peu de tenir cette chose-là. Hein. On n'a jamais privilégié une logique de concurrence et de rivalité par rapport aux syndicats. Et je crois que c'est ce qui expliquait, d'ailleurs, on voulait donner des gages de ce point de vue-là, de notre bonne volonté, en disant que, justement, on ne lancerait pas des listes et SLU dans les élections universitaires. Ce qui, d'ailleurs, n'a pas été de soi au début. Hein. C'était bon. Alors, ces deux points sont demeurés et sont parvenus, je crois, sans que cela n'ait jamais été théorisé et programmé à l'avance, hein, à apporter une réponse partielle au premier problème que nous avions posé. Comment faire entendre une parole audible pour ceux qui considéraient justement que la CPU ne parlait pas en leur nom et que les syndicats, à tort ou à raison, qu'on le regrette ou qu'on ne le regrette pas, n'avaient plus cette parole audible. Sur ce point, je crois que cet engagement aux formes imprévues n'a pas été un échec. D'autres points, d'autres choix, d'autres réalités qui existaient comme espoir ou comme hypothèse ont été soumis à des fortunes diverses. Et SLU est resté largement une organisation, à mon sens, trop parisienne, hein, même si nombre de ses membres enseignent dans les universités de province. On voulait être implanté dans d'autres villes, on n'y est pas arrivé. Je veux dire, c'est un échec relatif. Hein. Et SLU est resté aussi très largement une association qui était implantée plus dans les universités que dans les grands organismes et plus dans les sciences humaines et sociales que dans les sciences dites dures. Et puis, je crois que nous avons échoué aussi probablement à mobiliser durablement un nombre important de collègues. Le mouvement de 2009 ne doit pas, de ce point de vue-là, constituer un rideau de fumée. Hein. Mais en même temps, ce relatif échec, hein, ce fait qu'on n'arrête pas de passer par des espèces de traversées du désert, est un peu nuancé par le fait que l'association peut exister dans le paysage grâce au site Internet. Le site Internet ayant un rôle démultiplicateur et permettant d'avoir une présence sans commune mesure avec la force militante réelle, assurant une visibilité justement à cette parole que nous voulions porter, avec d'ailleurs des effets pervers éventuels. Hein. C'est-à-dire qu'un des effets pervers qui était, je me rappelle, théorisé dans une de nos réunions par un copain de SLU, c'était que notre activisme minoritaire pouvait devenir une sorte de substitut à l'action pour une majorité, hein, une sorte d'espèce de lutte prolongée par procuration. Hein. Alors, par ailleurs, je crois qu'il faut aussi dire qu'à notre premier front principal, sur lequel j'ai beaucoup insisté, c'est-à-dire le gouvernement des universités, s'en sont ajoutés assez vite d'autres, notamment la question de la formation des enseignants, sur laquelle, au nom de tropisme et de tradition disciplinaire évident, sur laquelle nous avons beaucoup insisté, auquel nous avons accordé une grande attention, et sur laquelle je crois qu'il n'est pas abusif de dire que nos analyses ont eu un certain point et une certaine précocité. Mais bon, ça serait encore un autre type de débat, et je n'étais pas venu en parler. Voilà, donc je vais m'arrêter là.